archi bien. Archi beau. Archi radio. Archi doux. Archi cool. La radio du festival Archipel. Archi chouette. En direct. De 10h à midi. Archi nul. Sur Archipel. Archi fort. Archi.org. Bienvenue au salon d'écoute. On a fait ce petit temps pour la radio. Nous sommes aussi en direct sur Archi Radio, la radio du festival. Donc on est dans ce salon d'écoute pour les partages d'écoute, c'est-à-dire les moments du jour, là, à midi, pour entendre des musiques apportées par les artistes du festival et qui, c'est en général l'idée de partager vraiment des musiques qui ont marqué ou qui accompagnent ou qui ont influencé les artistes du festival. Aujourd'hui, nous sommes avec Patrice Caillet et Jérôme Porret, qui sont aussi tout le long du festival avec une sorte de stand un peu particulier qu'on a appelé les objets singuliers et qui sont tous des objets phonographiques qui sont liés au son. Beaucoup de disques dans l'idée qu'ils ont été altérés, en gros, pour dire vite, la plupart. Jérôme est artiste. Et justement, il s'intéresse particulièrement à ces objets dont les surfaces ont été altérées, il me semble, beaucoup. Et puis, il y a encore d'autres choses aussi, plutôt les arts plastiques, un mélange de tout ça. Patrice, lui, s'est auto-défini comme, comment tu as dit, du dimanche, là. Ethnophonographe, voilà, fille du dimanche. Très joli. Mais il est aussi curateur, et en tout cas, il collecte... En dehors de son travail de curateur, de programmateur musical, il collecte aussi beaucoup d'objets. Et on m'appelle en même temps, désolé, ça me perturbe. Donc je vais vous laisser la parole et surtout les sons. D'accord, ben moi je vais commencer par présenter un disque et aussi un artiste qui m'a beaucoup marqué étant adolescent. Quand j'étais petit, j'étais à La Rochelle, une petite ville industrielle, et du coup avec quelques amis, on est tombé sur, comme ça, on s'intéressait sur les formes un peu dadaïstes, et on est tombé sur des gens comme Raoul Hausmann qui nous ont fascinés. Et j'étais à la recherche d'un disque où, en fait, la revue d'Henri Chopin, qui est une revue disque, et du coup j'en ai trouvé un jour, et puis juste pour parler comme ça de l'histoire d'Raoul Hausmann, qui est un peu singulière. Raoul Hausmann, c'est un peu l'inventeur du photomontage, c'est l'inventeur de la positionneur, on va dire, quelque part, et aussi l'optophone, une machine qui transforme les sons en couleurs. Et ce fameux Raoul Hausmann est resté quand Hitler est arrivé au pouvoir, il est parti s'intéresser à l'architecture à Ibiza. Il est revenu se réfugier curieusement à Limoges. Alors il est d'origine autrichienne et pas allemande, mais du coup c'est vraiment étonnant. Il est arrivé à Limoges dans les années 40. 43 je crois, et là il y a une histoire un peu étonnante, c'est qu'il est resté quasiment d'une sorte d'isolement en fait jusqu'à sa mort aux années 70, et Henri Chopin a justement est parti l'enregistrer à nouveau, c'est ce qu'on va entendre, parce que du coup une certaine histoire de cette période avait été un peu occultée, et du coup son travail finalement un peu, ses œuvres ont été perdues, et son travail finalement pour une période un peu déconsidérée comme ça. Donc c'est ce qu'on va entendre maintenant, un poème de 1918, je crois. Et ensuite, j'enchaînerai directement par ce dont Marie, tu parlais, ces collectes. On va écouter quelques disques comme ça, très très bruts. Il n'y a pas de montage, moi je ne fais pas de l'électroacoustique, vraiment. C'est quelques sons un peu bruts, glanés. Et ensuite, on pourra écouter le travail de Jérôme. Mesdames, Messieurs, les Dadazov vous récitent quelques poèmes de 1918. Ladies and gentlemen, the Dadazov speaks some historical poems phonetic from 1918. Meine Damen, meine Herren, der Dadazov spricht für Sie einige historische Lautgedichte von 1918. Ba ba ba ba ba ba ba ba. No, no moon on a poo. It's so so. Kili kili kili kili korom. Snount sound, kum nount sound. Da do do da. Iri da doomt. Tnoom. Kolakom on a moon. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba peri home peri peri no no no moon ba ba bretti bere bere bere re be be be be oh no bom tom tom do khaba da pnum compound pent no re re re e re re re re a what per re re mot no don't know and no no. We'll be right back. des eaux, micro, glacial. Voilà, ben merci de l'écoute. Comme je l'expliquais, c'est vraiment du matériau brut mis bout à bout de disques. Il n'y a pas de mixage, de superposition. C'est un essai, une tentative comme ça de collecte plutôt. Et puis voilà, comme vous l'avez vu, c'est rayures. Même des fois, c'est lieu commun de la rayure sur un disque ou du frottement ou du dérapage comme ça ben, génère d'autres paysages. Peut-être l'idée serait de retravailler tout ça. Je vais maintenant laisser la parole à Jérôme Poré, mon collègue de la semaine, et aussi avec qui on propose à Montreuil les revues. Enfin, Jérôme propose les revues phonographiques où il accueille de nombreux artistes dans le cadre de notre semaine du bizarre. Puis Jérôme va nous parler du travail qu'on va écouter maintenant. Alors, je vais vous faire écouter un objet spécialement choisi pour l'occasion, où vous allez découvrir un travail qui n'est pas fait par une musicienne, par une plasticienne, qui a travaillé dans un lieu très particulier et avec un certain nombre de personnes qu'elle a fait participer à ce travail. Ce travail donc a été enregistré et dont la seule destination était d'être sur support fixe, donc sur disque. Donc il n'existe absolument pas en fichier, il n'existe absolument pas sur le cloud volontairement. Il a été produit en très très peu d'exemplaires. Et donc, vous allez entendre un objet presque fantôme. Et je vais vous le jouer. Je vais pas exactement faire un mixage, mais je vais faire un feuilletage. Donc j'ai deux disques, je vais vous passer les deux faces, de telle façon à ce que ça fasse un seul morceau. Et je vous raconterai par la suite son histoire et l'histoire de ce que vous allez découvrir au travers de ce travail. Est-ce que vous respirez avec le nez? Est-ce que vous respirez avec la bouche? Pouvez-vous sentir le trajet de l'air qui entre et qui sort? Et justement, observez quelle est la quantité d'air qui entre en vous et quelle est la quantité d'air que vous rendez à l'environnement. Dans votre sensation, est-ce la même quantité qui entre et qui sort? Ou percevez-vous une différence? Qu'est-ce qui devient vivant lorsque vous inspirez? Et qu'est-ce qui devient vivant lorsque vous expirez? Quel est le degré de calme qui est entré en vous après cette phase d'observation? Inspirez plus profondément. Et observez ce qui se passe avec le rythme de la respiration. Est-ce que la respiration ou ralentir lorsque vous respirez plus profondément, que le sentez-vous? inspirez le plus d'air possible, la plus grande quantité d'air possible. Observez où est-ce que ça vous fait. Qu'est-ce qui se passe à votre ventre? Qu'est-ce qui se passe à votre poitrine? Lorsque vous cherchez à faire entrer le plus d'air possible. Est-ce que vous respirez avec la bouche ou avec la cloche lorsqu'il s'agit d'augmenter la quantité d'air? Et puis faites l'expérience, faites quelques fois en inspirant avec la bouche et au pied en l'air. Quelle est la sensation du volume qui se joue là? Et puis ensuite faites l'expérience en inspirant avec la bouche ouverte. Par la bouche en laissant entrer l'air, par la poche. Où se crée le volume? Toute cette quantité d'air qui vient de l'extérieur vient-elle se loger à l'intérieur de la poche? Quelle est la sensation d'espace qui s'ouvre dans la poitrine, dans le ventre, tout le long du dos jusqu'au bassin? Observez. Quelle est la sensation de votre volume qui change lorsque l'air rentre, lorsque cette grande quantité d'air rentre? Et qui change à nouveau lorsque vous laissez l'air ressortir. Pour l'instant, vous ne faites rien de spécial sur l'expiration. Simplement, vous faites l'expérience du plein d'air. Vous cherchez à vous emplir au maximum. Sortir tout seul sur l'expiration. Donc vous faites l'expérience du plein. Et quelle est la sensation de ce grand volume qui entre en vous? L'intérieur de cette grande structure qui le signe. Imaginez que c'est le volume du ciel que vous voulez faire entrer. Observez comment se déploie la respiration après cette expérience. Est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que vous ne faites rien de spécial? Puis parce que lorsqu'il revient en position, éloigner le dossier de la chaise. Revenez avec le dos éloigné du dossier de la chaise. Comment vous expirez ? Est-ce que vous faites ça avec le nez ? Est-ce que vous faites ça avec la bouche ? Vous cherchez vraiment à respirer complètement, jusqu'au bout du bout du souffle. Observez ce que vous faites. Qu'est-ce qu'il vous semble que vous fassiez pour vous vider complètement de l'air ? Est-ce que c'est plus facile ? En expirant par le nez, ou est-ce que c'est plus facile en expirant par la bouche? Et laissez-les rentrer simplement, ne faites rien de spécial sur l'inspiration. Vous expirez. Et quand vous avez la sensation d'être en vide, alors laissez-les rentrer. Et faites ça maintenant en soufflant avec la bouche si vous voulez. Et allez au bout du bout du bout du bout du bout du bout du bout du souffle. Jusqu'au bout, vraiment, même si vous avez la sensation d'être en vide, allez-y, videz-vous. Et laissez-les rentrer. Est-ce que c'est un souffle sonore du flou? Quelle est la tonicité du souffle? Soufflez. Et mettez-y maintenant un tout petit peu plus d'énergie. Il faut que je vous entende en soi. Soufflez jusqu'au bout, même si vous avez la sensation qu'il n'y a rien à tout, je vois quelque chose à tout. Qu'est-ce qui se resserre, qu'est-ce qui se referme pour vous permettre de vous vider? Quelle est la sensation dans la poitrine? Quelle est la sensation dans le ventre? Tout le long du dos, qu'est-ce qui se resserre, qu'est-ce qui se referme pour devenir plus petit, pour vous permettre de vous vider complètement, comme si on pressait une éponge pleine d'eau. Jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans les plombs. Et ensuite, on relâche les bouche et elle reprend sa forme. Et bien sûr, quand c'est assez tendu, alors vous laissez ça et vous faites une petite pause. Thank you. restant dans la concentration et dans la sensation de votre respiration, qu'est-ce que quelque part au sein du cerveau, au sein de votre ancêtre, l'inspiration, tout l'investir dans l'espace. Lâchez le bras, lâchez le bras. Laissez aller votre regard. Thank you. Voilà, malheureusement j'étais obligé de l'arrêter un peu plus tôt puisque le temps nous est imparti. Voilà cette expérience. Ce travail est lié à une plasticienne qui s'appelle Marie Renner, qui est française. Elle a réalisé ça dans un lieu totalement interdit au public, puisque en fait c'est un silo à grains. Un silo à grains qui se trouve sur la zone portuaire de Rouen. Donc imaginez, c'est entre Paris et Le Havre. Et ces silos font 50 mètres de diamètre sur 50 mètres de haut. Ce sont en partie les plus grands d'Europe. Et avec le changement climatique, eh bien, évidemment, entre deux saisons et deux récoltes, il y a de plus en plus de temps mort. Donc les silos ne se remplissent plus comme avant. Normalement, on n'a absolument pas du tout les seules personnes qui sont habilitées, en fait, c'est pour désinfecter. Mais on ne rentre pas du tout dedans. Or là, c'est depuis 2018, évidemment, de plus en plus, il y a des temps morts. Et Marie a travaillé avec les ouvriers de la zone portuaire. Elle leur a donné en fait l'occasion de rentrer dans cet espace, qui est en fait leur lieu de travail indirectement, qu'ils n'ont jamais vécu, n'ont jamais vu. Et pour que ce soit une véritable expérience, et pas seulement une visite, elle a travaillé avec une personne qui fait la kinesthésie, donc des formes de travail de respiration, de yoga. On utilise tout ça aussi pour de l'hypnose. Donc c'était bénévole. Et donc il y a une dizaine d'ouvriers, d'agents de service qui sont venus dans cet espace qu'ils n'avaient jamais vu de leur vie. Et elle les a donc introduits avec cette personne qui leur a fait cet exercice de respiration, de mise en place, etc. Il y a eu deux séances, parce qu'autant vous dire que ça a été un choc la première fois. Et donc il a fallu qu'ils s'habituent, etc. Et puis après, bon, la deuxième séance, il y avait vraiment eu ce travail qui a été fait jusqu'au bout, c'est-à-dire on a cette espèce de raison de voix qu'ils ont réalisé, ce claquement de main pour rendre en fait, l'espace dans une certaine consistance. L'espace est absolument dans le noir, donc on voit absolument pas le plafond, on voit rien. Et son idée, c'était le fait de refaire un disque, parce qu'évidemment, l'espace sphérique rentrait dans l'ellipse et dans le cercle du disque. Donc quelque part, on avait une surface plane dans laquelle était inscrite cette expérience. Pour elle, c'était important que ça se soit fixé sur ce plan. Et la pochette, en fait, c'est simplement une matrice qu'elle a réalisée en découpant une forme de logo de blé qui avance sur les trains de marchandises. Donc c'est un objet comme ça qui est extrêmement sommaire. Après, bon, il y a de la documentation dessus qui est sur mon site, puisque j'ai accompagné ce projet sur une mise en place de la réalisation. On avait ça avec un centre d'art contemporain qui s'appelle Le Shed à Rouen. Voilà, ça c'est le genre de projet que j'accompagne, que j'aime énormément, où d'un seul coup, voilà, comment proposer à des gens qui ne sont pas forcément des musiciens, veulent travailler sur un support fixe et en l'organisant d'une certaine manière comme un objet plastique à part entière. Donc voilà, ça c'est je trouve que c'était un très très bel exemple, et surtout avec l'acoustique que moi aussi là j'ai découvert plein de choses. Alors évidemment vous avez entendu, on entend les oiseaux, il y a les camions qui passent, etc. parce que les portes étaient restées ouvertes. Donc on avait comme ça une vraie synergie particulière, d'autant plus que ça résonne avec, évidemment, avec ce qui se passe plus à l'est en ce moment. En dire un petit peu plus sur le feuilletage, la façon dont tu l'as joué en fait, et pourquoi comme ça? Ben, en fait, pour éviter la rupture, donc en fait, j'ai vraiment laissé toute la première partie parce qu'elle me semble importante, où elle fait tout cet exercice de mise en place. C'est assez compliqué de le couper. J'ai pas compris, ça veut juste dire c'est pour transitionner d'un disque à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, je me mets en feuilletage, c'est-à-dire qu'en fait, j'attends vraiment le bout, la limite du premier. Pour arriver sur le second. Okay. Voilà. C'est pour ça qu'on ne dit pas mixage, parce qu'en fait, je les accole pas l'un sur l'autre, je les accole juste en décalé, mais il faut le faire bien, quoi. donc ça dure comme ça, c'est presque de manière infinie, en fait. La fin, elle est sans fin, en fait. Donc ça aussi, j'aimais bien parler de l'ellipse et de la boucle. Voilà, ça veut dire devenir blé, ça s'appelle ce projet. Mm-hmm. Super. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde est resté éveillé, mais en tout cas, on pouvait tout à fait lâcher les corps et l'esprit dans absolument. Un grand confort. C'était vraiment le but. Ouais, magnifique. Et c'est très, très touchant aussi, toute cette histoire de support. Enfin, là, en écoutant votre séance, hein, c'est qu'il y a vraiment la notion de trace. Un enregistrement est déjà une trace, le support est une trace, puis il y a une mise en abîme de ça et... Je pense que quand on a vraiment ce moment-là où on peut vraiment se concentrer, surtout la première partie... On se retrouve vraiment d'un objet qui s'affecte, en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, le bout de cette histoire qui a tenu entre la fin du 19e et qui revient au 21e, a marqué évidemment plus d'un siècle. Et donc, ça veut dire plusieurs générations, donc ça veut dire plusieurs vécus, ça veut dire plusieurs... sensorialité. Donc on a tous eu un moment donné être en contact avec cet objet. Donc forcément, à un moment donné, il s'affecte directement, même sans être entendu, en fait, pratiquement. Et je pense que ça, c'est ce qu'on a en commun avec Patrice. C'est qu'on s'intéresse à des objets qui sont affectés. Mm-hmm. Et après, on les donne dans son sens le plus cru, ou je dirais, moi, pour moi, c'est presque du demi-cuit. Mais voilà, c'est vraiment voilà, comment re-questionner cet objet tout en le laissant pour ce qu'il est, en fait. Donc c'est quelque chose qui... On a une vraie affection particulière, sans en faire non plus des tonnes, hein, mais voilà, et par endroits, il nous agace aussi, parce que des fois, on tourne un peu toujours autour. Mais c'est joli cette notion d'affect, le disque affecté, et en fait ça touche l'affect. C'est ce que j'avais envie de dire, c'est ce qui est touchant au-delà de la matérialité du son, du temps, du support, c'est qu'en fait on peut se mettre à avoir des images du type, mais en fait ce disque là, j'entends qu'il a été dans ce bac à Marrakech, ou j'entends qu'un enfant a marché dessus, ou j'entends qu'il a été manipulé de façon erratique. Ouais. Et ça, c'est vraiment... Donc, il y a plusieurs niveaux de poésie. Absolument. Dans les revues phonographiques, donc cette espèce de festival qu'on fait avec cette soirée dédiée au support, c'est aussi les machines. Donc on met en place des machines qui vont lire des supports particuliers. Et je me souviens, c'était Bertrand Lamarche, avec des disques qui n'avaient jamais été écoutés, d'un label marocain de 1907. Donc on a mis un gramophone et il a sorti les disques qui n'ont jamais été entendus, même par les musiciens. Ce qu'ils ont fait, ils ont enregistré, et c'était gravé en direct. Et on peut le savoir parce qu'en fait, il y a une couche de cire sur le disque qui protège, donc une mince pellicule. Donc on sait pertinemment que si le disque avait été écouté, la pellicule, elle se barre en fait. Donc on a vu ce disque se poser et voir la fine pellicule de cire partir en même temps que la voix apparaître. Voilà, c'est ce genre de choses qui sont assez belles. Eh bien, voilà. Merci. Merci. Et bravo.